Psaume 38. Psaume de David, pour réduire en mémoire. Éternel, ne me reprends point en ta colère, et ne me châtie point en ta fureur. Car tes flèches sont entrées en moi, et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien d'entier en ma chair, à cause de ton indignation, ni de repos dans mes os, à cause de mon péché. Car mes iniquités ont surmonté ma tête, elles se sont appesanties comme un pesant fardeau, au-delà de mes forces. Mes plaies sont pourries et coulent, à cause de ma folie. Je suis courbé et penché outre mesure, je marche en deuil tout le jour. Car mes aines sont remplies d'inflammation, et dans ma chair il n'y a rien d'entier. Je suis affaibli et tout brisé, je rugis du grand frémissement de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t'est point caché. Mon cœur est agité çà et là, ma force m'a abandonné, et la clarté aussi de mes yeux, même ils ne sont plus avec moi. Ceux qui m'aiment, et même mes intimes amis, se tiennent loin de ma plaie, et mes proches se tiennent loin de moi. Et ceux qui cherchent ma vie, m'ont tendu des lacs, et ceux qui cherchent ma perte, parlent de calamité, et songe des tromperies tout le jour. Même moi, je n'entends non plus qu'un sourd, et je suis comme un muet qui n'ouvre point sa bouche. Je suis, dis-je, comme un homme qui n'entend point, et qui n'a point de réplique en sa bouche. Puisque je me suis attendu à toi, ô Éternel, tu me répondras, Seigneur, mon Dieu. Car j'ai dit, il faut prendre garde qu'il ne triomphe de moi, quand mon pied glisse, il s'élève contre moi. Quand je suis prêt à clocher, et que ma douleur est continuellement devant moi. Quand je déclare mon iniquité, et que je suis en peine pour mon péché. Cependant mes ennemis, qui sont vivants, se renforcent, et ceux qui me haïssent à tort, se multiplient. Et ceux qui me rendent le mal pour le bien, me sont contraires, parce que je recherche le bien. Éternel, ne m'abandonne point, mon Dieu, ne t'éloigne point de moi. À toi de venir à mon secours, Seigneur, qui est ma délivrance.